Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Chine-Occident, une histoire de rencontre, une histoire d'image qui se construit avec un double miroir. D'un côté, il y a le regard des Chinois sur les Occidentaux, avides. Ils veulent s'accaparer le grand gâteau asiatique et ils sont prêts à toutes les cruautés. Ces cruautés sont détaillées dans leur variété dans un petit pamphlet de 1875 publié à Canton. Le supplice du fouet, jambes entravées, des hommes piétinés au moment de l'appel, des latrines pour prison, les plaies frottées au sel et au jus d'agrumes, citron, orange. Que de la douleur. De l'autre côté, il y a le regard des Occidentaux sur les Chinois, entre mépris et fascination. Fascination notamment des supplices chinois. Le modèle en est le lingshe, autrement dit le démembrement, couper un être vivant par petits bouts. Les photographies de ce supplice circulent, elles horrifient. Oui, des Chinois fourbes et cruels et des Occidentaux avides et tortionnaires, c'est une guerre de l'image entre des mondes éloignés, mais qui sont très loin de s'ignorer. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, Chine-Occident, comment l'affaire a mal tourné. Nous avons déjà parlé du cinéma chinois, outil majeur de propagande. Nous avons parlé des travailleurs chinois venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Ce sont des émissions à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis des émissions que vous pouvez commenter sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Des émissions construites en partenariat avec le magazine L'Histoire qui consacre son dernier numéro aux guerres de l'opium 1839-1860 quand l'Angleterre et la France humiliaient la Chine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la rencontre par l'image. Quelles sont les images par lesquelles l'Occident a rencontré la Chine et inversement. Donc retour sur une rencontre très visuelle à l'origine de nombreux fantasmes. Avec vous, Pierre-Emmanuel Roux, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'université. Alors, à l'université Paris. De Paris. C'est un changement de dos, c'était Paris Diderot. Hein. Voilà, jusqu'au 31 décembre, c'était Paris Diderot. Et voilà, et par la suite d'une fusion, nous sommes maintenant à l'Université de Paris. Voilà, l'Université de Paris, et vous êtes l'auteur d'ouvrages qui nous intéressent, et notamment Les Enfers Vivants, ou la tragédie illustrée des colis chinois à Cuba et au Pérou. Vous êtes appuyé donc sur un pamphlet. Vous avez découvert quelque chose d'oublié. J'ai découvert il y a à peu près 15 ans ce pamphlet par hasard, parce que vous savez, un historien fait souvent des découvertes par hasard dans des bibliothèques. Et j'ai découvert ça en faisant des recherches sur l'histoire religieuse de la Chine aux missions étrangères de Paris. Et j'avais regardé tous les livres chinois de cette bibliothèque et en me disant que j'allais trouver une pépite, comme un chercheur d'or en Californie, milieu du 19e siècle. Et je suis tombé sur plusieurs pépites, dont celle-là, un livre qui m'était totalement inconnu. Google ne connaissait pas non plus à l'époque. Alors c'est tout dire. C'est tout dire, même si Google était moins fort il y a 15 ans qu'aujourd'hui. Mais c'est ce qui m'a poussé vraiment à vouloir travailler sur ce livre. Et donc, c'est ce qui a amené à la sortie de cet ouvrage l'année dernière. Les Enfers Vivants, les éditions, c'est Maisonneuve et la Rose Hémisphère. Voilà. Et cet ouvrage de 1875, vous l'avez traduit, Pierre-Emmanuel Roux, et vous allez nous en parler dans le cours de l'histoire. En deuxième partie, nous allons recevoir Michel Frisot, historien spécialiste de l'histoire de la photographie. Il est directeur de recherche au CNRS et il est commissaire de l'exposition Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson qui a fait deux voyages en Chine, deux séjours même, un en 1948 et l'autre en 1958, pile 10 ans plus tard. Un regard très particulier sur la Chine entre le document et l'art et puis l'engagement politique. Et en fin d'émission, nous retrouverons Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, nous allons écouter un extrait de ce pamphlet. Une lecture, pamphlet de 1875 intitulé « Les Enfers Vivants ». Il nous est lu aujourd'hui par Camille André. Wu Hassan est âgé de 48 ans et originaire du département de Xiaying, au Guangdong. Un recruteur de Porcelet l'entraîna dans une agence où il fut sommé de signer un contrat et de s'embarquer. Arrivé à La Havane, il fut vendu dans la plantation de flore de Cuba. Son propriétaire était impitoyable et l'administrateur foncièrement cruel. Ne pouvant plus endurer les souffrances, Wu se risqua à prendre la fuite. Mais une fois rattrapé, on lui administra des coups de fouet jusqu'à réduire la peau en lambeaux et on le condamna à travailler fers aux pieds, sans manquer d'effectuer une retenue sur salaire. L'administrateur oblige tous les travailleurs chinois mis au fer à imiter le bêlement des moutons, le braillement des porcs et l'aboiement des chiens, ce dont il tire un malin plaisir. Le moindre refus est sanctionné sur le champ par d'horribles coups de fouet accompagnés d'insultes gratuites. Lorsque des hommes sont méprisés de la sorte et considérés comme des bestiaux, mieux vaut encore mourir que rester en vie. Nous venons d'écouter un extrait d'un pamphlet de 1875 publié à Canton, pamphlet intitulé « Les enfers vivants » que vous avez traduit Pierre-Emmanuel Roux. Ce sont des textes, des destins en fait, une série de parcours d'individus qui donc vivent ce voyage incroyable qui les fait quitter la Chine pour se rendre en Amérique, le Pérou, Cuba. Quel était ce système en fait de déplacement de population ? Travailleurs. Eh bien, c'est un peu comme la, d'une certaine manière, un peu comme la traite négrière, avec un certain nombre de transporteurs occidentaux qui avaient des agences de recrutement dans le sud de la Chine et qui utilisaient des recruteurs chinois qui allaient duper, berner, aguicher ces Chinois et qui, sous une promesse d'un énorme salaire, décidaient de partir en Occident. Sans vraiment savoir ce qui les attendait, parce qu'ils avaient un contrat bilingue chinois-espagnol, mais souvent ils ne lisaient ni le chinois ni l'espagnol. D'ailleurs, ils signaient souvent avec le doigt. C'est pour vous dire à quel point ils ne savaient pas écrire. Et voilà, dès le bateau, ils se retrouvaient voilà, comme dans un navire négrier. Voilà, voilà, on leur promettait monts et merveilles. Exactement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'illettrés, de gens, de paysans qui sont comme ça captés par les Occidentaux, mais pas seulement. Hein. Dans les enfers vivants, parmi tous les destins, certains sont instituteurs. Il y a aussi quelques lettrés. Il y a des médecins, Il y a un médecin et il y a même quelques petits fonctionnaires en poste, ce qui montre bien que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Ouais. C'est... parmi tous ces destins, à chaque fois, l'idée de donner le nom, de donner sa profession, l'âge, souvent, d'où il vient, et de raconter le destin et le parcours. Alors, nous avons entendu, là, dans l'extrait qui a été lu par Camille André, c'est des coups de fouet, c'est quelque chose qui ressemble à la traite, ce qu'on peut connaître. Il y a pire. Il y a, oui, pire, il y a vraiment toutes sortes de tortures. Et si on compare avec des textes sur les supplices endurés par les esclaves noirs à Cuba, on a la même chose. Parce que Cuba est une société encore esclavagiste jusqu'en 1886. Donc on a une cohabitation entre les esclaves et les Chinois. Et finalement, ils endurent souvent la même chose, même si en théorie, ce sont des travailleurs sous contrat. Ce sont les travailleurs engagés qui, au terme de 8 ans, sont censés être libres. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas, et puis un contrat de dupe, évidemment. Non. Mais Pierre-Emmanuel Roux, il est important de rappeler le contexte. Nous sommes dans les années 1870, en l'occurrence pour le pamphlet dont nous parlons, c'est 1875. L'esclavage n'existe plus dans les colonies françaises, mais ailleurs, il existe. Il existe toujours. Voilà, aux États-Unis, c'est jusqu'en 1965, et dans certaines régions de l'Amérique latine, c'est encore plus tardif. Voilà, il y a le Cuba qui est assez tardif, 1886. Voilà, de dire simplement, les Occidentaux vont chercher une main-d'œuvre chinoise pour compenser le manque de main-d'œuvre africaine ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas, mais bon, il y avait quand même un besoin important de cette main-d'œuvre. Et puis, donc, on est à cette période donc, d'abolition de l'esclavage. Donc, on cherche à entrer dans un nouveau système, avec un nouveau modèle. Voilà, le modèle, c'est vrai que ce sont des économistes, des capitalistes, ces planteurs. Ils perçoivent que la manne que représente l'Afrique, en tout cas la main-d'œuvre, va se tarir et qu'il faut trouver autre chose. Dans quelles conditions est rédigé ce pamphlet ? En tout cas, quel est son objectif de dénoncer comme ça les supplices ? Ça s'adresse à la population chinoise ? Ça s'adresse à la population chinoise. Alors, à l'origine, en fait, c'était un ensemble de prospectus qui ont été rassemblés dans un volume avec des images et une introduction. Et le texte à l'origine est le condensé de deux rapports de commissions internationales sino-occidentales qui ont été menées à Cuba et au Pérou en 1874. Pour dénoncer en fait ces conditions très... Pour dénoncer ces conditions, et justement, les Chinois se sont fait assister d'Occidentaux pour montrer que non, on ne fait pas n'importe quoi, nous ne rajoutons pas n'importe quoi, c'est véridique, les Occidentaux sont là pour montrer qu'on ne dit pas... Et alors dans ce pamphlet, donc on est un pamphlet en chinois, exactement. Systématiquement, il y a des illustrations, donc c'est vrai qu'à la radio c'est toujours difficile de montrer mais on peut l'évoquer. C'est vrai que nous sommes dans une iconographie qui correspond complètement à ce qu'on connaît dans le monde asiatique. On est vraiment en Chine dans l'iconographie. Voilà, exactement. Et c'est un modèle qui est assez intéressant, qu'on trouve beaucoup à la fin de la Chine impériale. C'est-à-dire que vous avez d'abord l'image et vous avez derrière le texte. C'est-à-dire que le texte accompagne l'image. Voilà. Et donc vraiment, il y a un pouvoir très fort de l'image, surtout pour une population qui ne lit pas. Voilà, il y a vraiment un objectif évident de dire « Regardez, méfiez-vous en fait de ces Occidentaux qui viennent vous voir et vous promettent n'importe quoi. » Parce qu'en gros, jusqu'au milieu des années 70, les Chinois ne savent pas en gros ce qui se passe après qu'on soit monté sur un navire. Et alors, dans ces récits, ces destins, il y en a évidemment qui perturbent énormément par la qualité des tortures. Ça correspond à ce qu'ont connu les Noirs qui ont traversé. C'est la même chose. Est-ce qu'il y a une exagération volontaire? Comment est perçu un tel document par l'historien qui le regarde? Parce qu'on est dans une œuvre de propagande, on le sait bien. Donc. Alors, ça, en même temps, c'est une œuvre de propagande, mais en même temps, c'est un condensé de textes, enfin de dépositions faites par des Chinois. Il y a un peu plus de 1100 dépositions qui ont été faites par des Chinois à Cuba et au Pérou. Et finalement, l'auteur ou les auteurs du livre, parce que c'est anonyme, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... On était en train de dire, est-ce que tout ce qui est raconté est véridique? Il faut toujours se méfier des documents de propagande. Voilà. Donc, c'est relativement véridique parce que ce sont des dépositions qui ont été condensées. Alors maintenant, il y a quelques exagérations, il y a quelques ajouts par-ci, par-là, des mélanges. Mais en gros, pour les tortures, on est quand même dans du vrai. Et puis, ce pamphlet s'inscrit. Alors, dans ce contexte très particulier de recrutement de main-d'œuvre avec des contrats complètement biaisés, mais un contexte plus général d'humiliation de la Chine, nous allons écouter la lecture par Élodie Hubert d'une lettre de Victor Hugo, une lettre de 1861 au capitaine Butler, au moment de l'intervention de la France en Chine. Il y avait dans un coin du monde une merveille du monde. Cette merveille s'appelait le palais d'été. Imaginez on ne sait quelle construction inexprimable, quelque chose comme un édifice lunaire, et vous aurez le palais d'été. Bâtissez un songe avec du marbre, du jade, du bronze, de la porcelaine. Charpentez-le en bois de cèdre, couvrez-le de pierreries, drapez-le de soie. Faites-le ici sanctuaire, là harem, là citadelle. Mettez-y des dieux, mettez-y des monstres, vernissez-le, émaillez-le, dorez-le, fardez-le. Faites construire par des architectes qui soient des poètes les mille et un rêves des mille et une nuits. Ajoutez des jardins, des bassins, des jaillissements d'eau et d'écume, des cygnes, des ibis, des paons. Supposez, en un mot, une sorte d'éblouissante caverne de la fantaisie humaine, ayant une figure de temple et de palais. C'était là ce monument. Cette merveille a disparu. Un jour, deux bandits sont entrés dans le palais d'été. L'un a pillé, l'autre a incendié. L'un des deux vainqueurs a empli ses poches, ce que voyant, l'autre a empli ses coffres. Et l'on est revenu en Europe, bras dessus, bras dessous, en riant. Telle est l'histoire des deux bandits. Nous, Européens, nous sommes les civilisés, et pour nous, les Chinois sont les barbares. Voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Devant l'histoire, l'un des deux bandits s'appellera la France, l'autre s'appellera l'Angleterre. J'espère qu'un jour viendra où la France, délivrée et nettoyée, renverra ce butin à la Chine spoliée. En 1861, Victor Hugo évoque le sac du palais d'été, c'est lors de la seconde guerre de l'opium. Il écrit drôlement bien, Victor Hugo. Il écrit drôlement bien. Il n'y a pas à dire, ce siècle d'humiliation qui suit les guerres de l'opium, la première guerre de l'opium qui commence en 1839, 39-42, et puis la seconde guerre de l'opium dans les années 1860. Ces guerres de l'opium sont un siècle d'humiliation. Elles ont construit une image que les Chinois ont des Occidentaux. Pierre-Emmanuel Roux, quelle est cette image ? Alors, c'est une image qui est protéiforme, parce que c'est vraiment à cette époque qu'on commence à avoir un discours de race. Avant, il n'y a pas vraiment de discours de race en Chine par rapport à l'Occident. Il y a nous, les Chinois, et autour, il y a les barbares. L'inverse de ce que disait Victor Hugo dans son texte. Et à partir de ces guerres de l'opium, on prend conscience qu'il y a vraiment un monde qui n'est pas le monde seulement est-asiatique, qu'il n'y a pas seulement nous et les barbares, qu'il y a différents peuples et qu'il y a aussi des races. Mais ce discours de race, il est quand même assez progressif. On ne considère pas dès le début qu'il y a nous des blancs, des noirs, des jaunes. C'est vraiment progressif au cours du 19e et du 20e siècle. Et puis il y a la conscience que les Occidentaux ne sont pas des gens à qui l'on peut faire confiance, justement parce qu'ils viennent piller. Voilà, surtout à ce moment-là, mais ensuite avec la présence importante d'Occidentaux en Chine à la fin du XIXe siècle, il y a différentes visions de l'Occidentaux qui coexistent. Voilà. Il n'y a pas que du mépris pour les Occidentaux. Voilà. Pierre-Emmanuel Roux, c'est important de souligner ce que vous venez de dire. Il n'y a pas un rejet complet de l'Occident. Souvent, la Chine est présentée comme un pays étant fermé au monde, alors qu'elle est déjà ouverte en partie, alors peut-être par la force, bien sûr. Est-ce que le sentiment d'humiliation que ressentent les Chinois est quelque chose qui est réel au XIXe siècle, pendant et après les guerres de l'opium, ou est-ce que c'est une construction un peu tardive ? Alors, déjà, pour revenir sur ce que vous disiez sur la fermeture, la Chine n'est pas complètement fermée avant 1840, parce qu'elle a des relations avec ses voisins. Elle est juste, il y a une fermeture relative ou sélective face à l'Occident. Voilà, la fermeture n'est pas complète. Le siècle d'humiliation. Siècle d'humiliation. Oui, alors, ce siècle d'humiliation, au début, la première ère de l'opium est sentie au début comme un confin très lointain. Donc, il n'y a pas forcément ce sentiment d'humiliation dès le début. Il est beaucoup plus tard. D'ailleurs, le concept de traité inégal n'apparaît que dans les années 1910. Voilà, c'est les traités qui règlent les guerres de l'opium. Les règles de l'opium. Ouais. On n'appelle pas ça traité inégal avant. Ouais. Voilà. Donc, c'est dans les années 1910, au XXe siècle. Et après, j'imagine que dans la construction qu'il peut y avoir de ce siècle d'humiliation, la mainmise, on va dire, nationaliste, et quelle qu'elle soit d'ailleurs, qu'elle soit communiste ou non, alimente cette image. Évidemment, évidemment. Il y a une alimentation importante de cette image. Et ça l'était encore plus avec l'arrivée des communistes au pouvoir. Et c'est ce qu'on retrouve, par exemple, dans mon pamphlet, parce qu'on parle de travailleurs chinois. Il y a le terme « huacong » que vous avez eu avec Mali, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Hier. Ce concept de travailleurs chinois induit des notions de classe et de race qui ont été repris par le discours communiste. Nous avons été humiliés par les Occidentaux qui ont fait travailler nous, les Chinois. Voilà. Oui, et puis en plus, dans la construction, dans la lecture de la société des communistes, ça marche très très bien. Et bien maintenant, nous allons changer le regard dans le cours de l'histoire après avoir vu comment les Chinois pouvaient percevoir les Occidentaux. Évidemment, nous allons faire l'inverse. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons à ce double regard, celui des Chinois sur les Occidentaux et celui des Occidentaux sur les Chinois. Une histoire d'image qui se construit. Pierre-Emmanuel Roux, il y a beaucoup d'amusement du regard des Occidentaux sur les Chinois. Exactement. Et ces images des images chinoises en Occident se développent à la même époque que mon pamphlet, surtout dans la deuxième moitié du 19e siècle. On en a un petit peu avant, mais surtout dans cette deuxième moitié du 19e siècle et au début du 20e siècle, avec le Lingzhi dont vous parliez tout à l'heure. Ah, le Lingzhi. Eh bien, écoutez, parlons-en du Lingzhi. Quel est ce supplice terrible de démembrement ? Alors, c'est dans le code pénal chinois, c'est la peine de mort la plus extrême. Vous aviez trois peines de mort, la peine de mort par strangulation, la peine par décapitation, et pour les pires éléments, impardonnable, il y avait le lynch, cette peine du dépècement ou du démembrement, il y a plusieurs traductions, qui constituait à être coupé en morceaux, même si en fait on donnait déjà un coup mortel au cœur au début et ensuite on découpait le bonhomme en plusieurs morceaux. Et ce lynch a été connu en Occident à partir en fait du dernier cas de lynch en 1904 ou 1905, je ne sais plus, parce que avec l'arrivée de la photographie, on a pu photographier ces derniers cas d'exécution. Et le supplice chinois finalement commence à ce moment-là. Oui, il est facilement datable. C'est vrai que ces photographies du supplice du Ningxue sont terrifiantes et on peut les croiser parce qu'il ne s'agit pas d'un démembrement tel qu'on pourrait l'imaginer à l'occidental comme on tuait les régicides. Là, c'est vraiment on coupe la poitrine, on coupe un petit muscle, on coupe un petit bout, on coupe le dessus d'une cuisse tout doucement. C'est une horreur. C'est là que se met en place l'idée du supplice chinois de la cruauté. Alors, cette idée existe déjà avant, parce que dès le XVIIe siècle, il existe des aquarelles d'exportation faites en Chine pour l'Occident, où on montre déjà des supplices chinois. Et il y a aussi le discours des missionnaires chrétiens qui sont clandestins en Chine jusque dans les années 1850, qui racontent que nous avons beaucoup souffert, nous avons été torturés, nos chrétiens ont été torturés. Finalement, ce discours est vraiment développé à la fin du 19e et au début du 20e siècle, notamment avec ce lynch. Et on est surpris d'ailleurs du contraste, enfin en tout cas de l'effet miroir, entre la dénonciation que les Chinois font des tortures qu'appliquent les Occidentaux, c'est ce qu'on voit dans le pamphlet que vous avez traduit, Pierre-Emmanuel Roux, Les Enfers Vivants, et puis le regard des Occidentaux. En fait, c'est la même chose des deux côtés. C'est la même chose, et les Occidentaux, eux, considèrent qu'ils sont modernes, qu'ils ne font plus de torture, ils ne pensent pas à ces colonies de l'Amérique latine. Nous sommes modernes, nous avons un droit moderne. Regardez ces Chinois, ils ont un droit ancien, barbare, voilà. Et un supplice, d'ailleurs, se doit d'être chinois. Un supplice se doit d'être chinois. C'est d'ailleurs ce que l'on entend dans une chronique de Jean-Pierre Chabrol, une chronique de 1988 sur France 3 Région. C'était à Toulouse, une chronique La vie à plein temps. Bah, dans La vie à plein temps, il y a du supplice chinois. Je feuilletais une collection de l'illustration du début du siècle, 1901. Et j'ai vu là une photo qui avait été prise en Chine par un photographe américain. C'est sur une place d'un village chinois. Elle représente un homme qui a la tête prise dans un carcan. Et ce carcan est posé sur quatre piliers. Et les pieds de l'homme reposent sur des pierres. Cet homme a d'ailleurs un chapeau là. Et vous savez ce que c'est cet homme ? C'est un condamné à mort. Il est là. Tout le village est autour. Et le bourreau retire des pierres. À intervalles réguliers, le bourreau retire une pierre. Et quand il n'y aura plus de pierres, l'homme sera pendu. Il sera mort. Mais les parents, les amis peuvent racheter des pierres au bourreau. Mais cet homme doit mourir. Quel est le pire supplice? Vous pouvez imaginer ça. C'est-à-dire que cet homme, non seulement il va mourir, mais il ruine son village, il ruine sa famille, il donne ce spectacle affreux de cet homme qui doit de toute façon mourir. Alors, nous l'entendons bien dans cette chronique de Jean-Pierre Chabrol de 1988, le supplice chinois facile, Pierre-Emmanuel Roux. On est dans l'invention du supplice chinois, et dans tout le XXe siècle, on a eu tout un centre de fantasmes. On a inventé des supplices chinois qui n'étaient pas pratiqués en Chine. Mais il y a toujours une motivation. Il y a sans doute celle de l'attrait, du goût, du morbide, parce que là, on est dans la littérature. Et bon, ça marche bien. Mais il y a sans doute pas que ça aussi, dans l'image d'appliquer à la Chine cette idée de pays rétrograde et cruel. Voilà, c'est pour mieux montrer que nous sommes modernes. Ouais. Voilà, c'est une manière, voilà, nous sommes au-dessus et les Chinois sont forcément en dessous. Voilà. Pierre-Emmanuel Roux, il y a malgré tout dans cette construction de double image quelque chose d'extrêmement similaire. C'est-à-dire que dans les deux cas, on regarde l'autre, occidental ou chinois, comme un animal. Exactement, exactement. Et vous en avez plusieurs exemples dans les Enfers Vivants de Chinois qui sont considérés comme des bestiaux. On a eu le cas tout à l'heure qui a été lu. Et c'est exactement ça. L'autre est un animal, n'est pas vraiment un humain. Voilà. Avec, malgré tout, des micro-différences culturelles qui sont intéressantes quand on lit Les Enfers Vivants. Il y a des tortures absolument monstrueuses, les plaies couvertes de sel et de jus d'agrumes, c'est très douloureux. Et puis, donc il y en a une quarantaine. Hein. Voilà, 42 histoires. 42 destins. Et parmi ces destins, il y a par exemple, comme horreur, couper la natte. Couper la natte. Alors, pour un occidental en 2019 ou en 2020, qu'est-ce que c'est que couper une natte? Rien du tout, mais en Chine, c'est très important parce que la dernière dynastie impériale chinoise, celle des Qing, qui était une dynastie manchoue, avait imposé aux Chinois de porter la natte. Et s'ils ne la portaient pas, ils étaient passibles de la peine de mort. Voilà. Donc, voilà. C'est couper la natte, c'est vraiment l'humiliation extrême. C'est une humiliation, voilà. On perd ça. Pas sa nationalité chinoise, parce qu'il n'y a pas de nationalité, mais on perd son identité chinoise. Et puis, parmi les supplices, il y en a d'absolument horribles quand les latrines sont transformées en prison. C'est-à-dire que c'est un trou où quelqu'un est mis jusqu'au cou dans toutes les déjections, mais ce sont les latrines, c'est-à-dire que ça lui tombe sur la tête. Et à côté de ça, presque en parallèle, il y a simplement le fait d'être nu devant les autres. Le fait d'être nu, voilà. On n'aime pas trop la nudité dans le monde chinois, et d'ailleurs la nudité n'est quasiment jamais représentée dans la peinture. Donc il y a vraiment vraiment un complexe par rapport à ça, par rapport à cette nudité, et en fait par rapport à tous ces supplices. À tous ces supplices, Pierre-Emmanuel Roux, Les Enfers Vivants, ce pamphlet de 1875, il en reste 8 exemplaires que vous avez pu identifier. Voilà, j'ai pu identifier 8 exemplaires de par le monde grâce au progrès d'Internet. Il y a encore 10 ans, c'était impossible. Mais voilà, j'en ai trouvé 8 exemplaires par le monde. Il y en a, 3 à Paris notamment. La plupart sont en Europe. Et il y en a un quelque part en Chine, vendu aux enchères quelques années. Voilà. Les Occidentaux, évidemment, ont voulu l'interdire. Ils ont bénéficié du soutien des autorités chinoises qui voulaient se faire bien voir dans les négociations avec le monde hispanique. Voilà, exactement. Le pamphlet a été interdit en 1877 à la demande des autorités diplomatiques espagnoles, parce qu'on est à un moment où on veut signer un traité entre la Chine et l'Espagne. Et la Chine, pour accélérer la signature de ce traité, accepte d'interdire ce pamphlet qui risque d'ailleurs de susciter des émeutes en Chine et des émeutes anti-occidentales. Un pamphlet qui nous explique bien ce moment particulier des relations entre l'Occident et la Chine, cette fin du 19e siècle. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel Roux, Les Enfers Vivants, ou la tragédie illustrée des coulisses chinois à Cuba et au Pérou. Nous allons continuer à explorer le double regard entre la Chine et l'Occident avec Michel Frisot, donc spécialiste de Henri Cartier-Bresson, le photographe qui s'est rendu par deux fois en Chine en 1948 et 1958. Nous allons écouter Michel Frisot nous parler d'Henri Cartier-Bresson dans Le Cours de l'Histoire, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Nicolas Delmas. Mais juste avant, laissons la parole au grand Jojo pour le tango chinois, c'était en 1970. Un jour j'étais sur le tramway. C'était complet, c'était bourré. Mais voilà que juste en face de moi s'installe un drôle de petit chinois. Il cessait pas de me reluquer, par les fentes de ses yeux bridés. Et puis avec une petite voix, il me demanda en chinois: connaissez-vous la Chine et le tango chinois? Mandarin, mandarine, chez nous tout le monde ne danse que ça. Très embêté, je lui réponds: je vous connais pas, quel est votre nom? Il me dit: je suis Ching Chang Nippon, je suis l'inventeur du spa citron. Le père Mao, c'est mon copain. Tiens, je t'offre son petit bouquin. À la page 6, paragraphe 3, il pose la même question que moi: connaissez-vous la Chine et le tango chinois? Mandarin, mandarine, Chez nous, tout le monde ne danse que ça. Maintenant, je sais que le tango fut inventé par Mao. Et qu'en Belgique, on est content qu'il y a tant de Chinois dans notre gouvernement. Nous poursuivons notre voyage en Chine, Chine et Occident, comment la faire à mal tourner, en réfléchissant à la rencontre par l'image, oui, l'image avec un œil particulier, et pas des moindres, l'œil d'Henri Cartier-Bresson. Avec vous, Michel Friseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur émérite au CNRS, historien de la photographie. Vous êtes commissaire avec Guy Lung-Sou de l'exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson, l'exposition Chine 1948-1949, et là, il y a un slash 1958. Donc, dites-nous, Henri Cartier-Bresson se rend en Chine en 1948, pourquoi ? Alors, en 1948, c'est à la demande du magazine Life et de l'agence Magnum, que Henri Cartier-Bresson a fondée en 1947. La demande de l'AF concerne Pékin. C'est-à-dire qu'on lui demande, alors qu'il se trouve en Birmanie, de se rendre immédiatement à Pékin, parce qu'on pense que la ville va bientôt tomber entre les mains des communistes, qui l'ont encerclée. Elle est encerclée depuis longtemps d'ailleurs, mais elle est restée une enclave en attendant que les événements se dénouent. Donc là, c'est fin novembre, il reçoit un téléx le 25 novembre 1948. Et donc il se rend à Pékin, il y séjourne une dizaine de jours, et en fait, il se replie ensuite sur Shanghai, mais il va être quasiment bloqué en Chine pendant 10 mois. Il va rester 10 mois, en fait, avec diverses péripéties. Michel Friseau, c'est vrai qu'il faut rappeler cette Chine de 1948-1949. C'est quelque chose d'incroyable. Hein. C'est le moment où Mao arrive à imposer son pouvoir. C'est-à-dire que la Chine devient, on le sait depuis quelques mois que les communistes vont gagner, mais la Chine devient la République populaire de Chine. Oui, elle devient la République populaire le 1er octobre 1949. Cartier-Bresson aura quitté la Chine une semaine avant. Mais à la fin de 1948, on sait que les choses vont se dénouer. Il y a des négociations entre le Kuomintang et les communistes, et on sait que les troupes communistes sont descendues très bas, elles ont presque atteint le Yangtze, le fleuve du sud, et donc il y aura un dénouement qui se situera d'ailleurs à Shanghai. Donc la capitale de ce moment-là, Nankin, va tomber fin avril, et Shanghai va tomber fin mai. Voilà. Dites-nous, Michel Friseau, vous nous avez expliqué que c'est par l'agence Magnum, en fait, qu'Henri Cartier-Bresson se rend en Chine, une agence que Cartier-Bresson a contribué à fonder l'année précédente, en 1947. Il y avait une philosophie derrière cette mise en place d'une agence photographique. Oui, il y avait une philosophie qui d'ailleurs remontait aux années 30, à Paris, puisqu'elle est fondée avec deux amis de Cartier-Bresson, Robert Capa et David Seymour, qui avaient été ses collègues photographes dans les années 30 à Paris, et qui avaient eux-mêmes participé à une agence qui s'appelait Alliance Photo, dont d'ailleurs la directrice à Paris va devenir la directrice de Magnum à New York. Donc il y a une philosophie, il y a aussi une orientation politique qui est clairement très à gauche et communiste. Henri Cartier-Bresson, donc, on peut dire qu'en 1948, quand il arrive en Chine, est un communiste. Il n'est pas adhérent du parti, mais il est très sympathisant communiste. Il a travaillé d'ailleurs pour le quotidien Ce Soir, en 1937, qui avait été fondé par Aragon, donc quotidien du Parti communiste. Quel regard porte-t-il sur cette Chine qu'il découvre, hein, cette Chine qui est en plein basculement ? Alors, il y a évidemment son regard particulier, j'ai envie de dire le regard de l'artiste. Il y a cette démarche de journaliste, il est envoyé en tant que reporter photographique, journaliste. Quel regard il porte sur la Chine en 1948-49? Alors, pour reprendre un peu cette question de journaliste, lui ne se considère pas comme photojournaliste, mais comme photoreporter. Il a un regard très bienveillant, mais il n'est pas un reporter de guerre, évidemment, on a l'habitude de les voir. Il n'est pas reporter comme son ami Robert Capa, qui avait traité la guerre civile en Espagne, et puis le débarquement, etc. Il a plutôt une attitude d'anthropologue, en fait. Il répète tout le temps, à ce moment-là et par la suite, pendant les 20 ans de sa carrière de photoreporter, que ce qui l'intéresse, c'est l'homme avant tout. C'est-à-dire la population, les gens, ce qu'ils font, comment ils se comportent, quelle influence les événements ont sur les gens, mais pas les événements eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en Chine, ils ne photographient aucun conflit. D'ailleurs, ils n'ont accès à aucun moment de conflit. Et si l'AF lui demande, fin novembre 48, d'aller à Pékin, c'est justement pour ne pas faire comme les autres reporters qui ont traité, pour le magazine l'AF, la question militaire, le conflit lui-même. Lui, il est envoyé pour donner une image de la culture chinoise qui va disparaître. Bien, écoutez, Michel Frisot, justement, nous allons écouter Henri Cartier-Bresson qui parle, alors c'est longtemps après, c'est 40 ans après les événements, le 26 octobre 1989, à la radio, dans l'émission Profil Perdu, qui parle de son expérience en Chine. On ne se considérait pas comme des artistes, ça n'avait aucun rapport avec la photographie maintenant. On était des artisans avec une curiosité pour ce qui se passait dans le monde. On faisait ça du mieux possible. Mais les conceptions esthétiques de maintenant, ça aurait été d'une grossièreté, d'une vulgarité que de parler de ces choses-là. Il fallait être présent. Il fallait deux jambes, un œil, un doigt et pas trop réfléchir. Il fallait être sensible, parce que maintenant, c'est une intelligence qui mène à quoi ? Henri Cartier-Bresson qui parlait en 1989 de la photographie. Michel Frisot, quand vous entendez ce témoignage de celui qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire, parce que nous évoquons le séjour d'Henri Cartier-Bresson en Chine, les séjours, parce qu'il y a le premier en 1948 et puis un autre 10 ans plus tard, qu'est-ce que vous entendez ici ? Nous étions des artisans. Oui, effectivement, on retient le mot artisan qui l'oppose à artiste, mais à artiste à la fin du XXe siècle quand il parle, alors que lui était considéré comme un photographe artiste dans les années 1930. Et il était assez proche du surréalisme, donc il a quand même une première carrière, si vous voulez, de 1930 à 1945-46. Et à partir de 1947, il a une carrière de photoreporter. La première carrière est plutôt du côté de l'art, puisque il a eu en 1947, même au moment de la fondation de Magnum, une grande exposition rétrospective au Museum of Modern Art de New York. Donc il était plutôt du côté de l'art, mais pas l'art de la fin des années 80, où la photographie était devenue de l'art. C'est contre ça qu'il s'érige dans cet extrait que vous avez donné. Et pour revenir au terme d'artisan, oui, il se considère comme un artisan photographe, y compris avec un sens de la documentation, parce que ce que j'ai découvert, par exemple, dans les archives, c'est que il lisait beaucoup. Avant de partir en voyage et pour aborder la question chinoise, il avait lu un certain nombre de livres que d'ailleurs il recommande à sa famille et dont il parle à ses parents dans les lettres qu'il envoie. Vous avez bénéficié, Michel Frisot, c'est vrai, d'une riche documentation pour préparer cette exposition dont vous êtes commissaire avec Ying Lung Su. Cette exposition à la Fondation Henri Cartier-Bresson, c'est visible jusqu'au 2 février 2020. Hein. Oui. Chine, 1948-49. 1959. Les photos, en fait, ont en parallèle des documents écrits qui les racontent. Vous avez utilisé ces documents, mais en fait, j'imagine que ça va de tout type, parce qu'il y a la presse, Life, vous l'avez dit, et puis il y a les notes même d'Henri Cartier-Bresson. Oui, les publications qui vont suivre les photographies dans divers magazines internationaux, et qui vont faire, d'ailleurs, ces magazines faire la renommée de Cartier-Bresson à partir de 1949. Mais il y a aussi une documentation tout à fait exceptionnelle pour cette époque, et exceptionnelle même dans le domaine du reportage, parce que du fait qu'il était bloqué en Chine pendant 10 mois, qu'il devait envoyer ses pellicules à Magnum à New York pour qu'elles soient développées à New York, c'est-à-dire qu'il ne voyait rien de ce qu'il faisait, il ne voyait pas ses photos. C'était envoyé à New York, c'était développé, tiré à New York, les légendes étaient faites à New York, et pour qu'on fasse les légendes, il rédigeait des notices très complètes, tapées à la machine, pour chaque pellicule. Encore une fois, c'est exceptionnel pour cette période-là, parce que en 1958, par exemple, il n'en fait pas. Donc on a pu exploiter toutes ces notices, toute la correspondance aussi, puisqu'il était très loin. En fait, il est parti pour 3 ans. En allant en Inde, en Chine et ensuite en Indonésie. Sa femme étant indonésienne. D'ailleurs, il est accompagné en Chine de sa femme, Ratna, qui était une danseuse indonésienne et qui lui préparait aussi la documentation. Et alors, Michel Friseau, nous imaginons Henri Cartier-Bresson qui se balade. Il est dans les rues, il a son appareil photo avec lui. C'est quoi, c'est un Leica à ce moment-là? C'est le Leica, bien sûr. Voilà. C'est son appareil fétiche, oui. Et il se balade, qu'est-ce qu'il cherche? Qu'est-ce qu'il veut voir ou qu'est-ce qu'il voit directement? Il veut voir des situations, mais pas des... Il ne veut pas photographier des personnalités, par exemple. Il photographie les gens dans la rue. C'est toujours les gens dans la rue. Donc, il circule beaucoup. Il a une manière très particulière de photographier qu'on peut voir dans des petits films qui ont été faits à l'époque, où il est très furtif. Et il dit lui-même qu'il est très rapide. Il faut être rapide, disait dans une interview. Et puis, dès qu'on a fait une photo, s'en aller immédiatement. Donc, c'est il faut être un peu comme un prédateur. Il dit qu'il faut avancer à pas de loup et ne pas se faire remarquer pour que les gens ne voient pas que vous êtes là. Faire la photo très vite et partir. Et il excelle vraiment dans ce jeu, dans cette méthode. C'est une véritable méthode. Et pour cadrer, il se place, il dit que c'est une question de millimètres. Entre la photo médiocre et la bonne photo, c'est une question de millimètres de placement de l'appareil. Oui, parce que les photos sont ainsi tirées sans être recadrées. C'est-à-dire que Henri Cartier-Bresson, vraiment, il a le cadre déjà fait. Oui, il fait le cadre dans l'appareil, qui est un appareil qui se porte au niveau de l'œil. C'est ça la qualité et la spécificité du Leica, c'est qu'on le met au niveau de l'œil, alors que, par exemple, le relais, on le portait sur la poitrine, sur l'estomac quasiment. Et donc l'appareil est lié directement à son œil et le cadrage ensemble de la photo est définitif. Il ne voulait pas qu'on recadre ses photos, ce qui était une particularité de Cartier-Bresson. Michel Friseau, je vous propose d'écouter de nouveau Henri Cartier-Bresson qui parlait toujours à la radio, mais cette fois le 9 avril 1962 dans l'émission L'Aventure Moderne où Cartier-Bresson expliquait son expérience chinoise. Venons-en à des exemples précis. Vous êtes allé en Chine il y a quelque temps. Qu'est-ce que vous avez vu en Chine? Vous avez pris des quantités de photos. Et quand on fait un reportage sur un pays d'une façon un peu générale, n'est-ce pas, il faut penser aux différents aspects qui doivent être traités. Ensuite, n'est-ce pas, une fois qu'on a fait ces espèces de compartiments, on doit les oublier et penser aux problèmes d'une façon abstraite. Et le contact avec la réalité remplit ces casiers. Comment prenez-vous ce contact? Une substance. La curiosité. Il faut être aussi curieux que les Chinois. Vous parlez aux gens vous, dans la rue vous... Non, je ne parle pas le chinois. J'ai vécu en Chine pendant un an. En 50, j'ai passé 6 mois, les derniers 6 mois du Kuomintang, les 6 premiers de la Chine populaire, et je suis retourné ensuite 10 ans plus tard. Alors ça m'intéressait de comparer. Évidemment, c'est intéressant de comparer Henri Cartier-Bresson qui s'est rendu en Chine par deux fois en 1948 et puis 10 ans plus tard, il se trompe lui-même. Oui, il s'est trompé de date, il dit 1950. Le danger du témoignage en histoire, c'est vrai qu'il faut toujours faire attention. Lui dit 1950, mais non, c'est en 1948-49 et puis la seconde fois en 1958. Pourquoi ce second voyage, Michel Friseau? Alors, c'est un second voyage qu'il avait anticipé dès 1949 puisque quand il quitte la Chine en 49, il dit qu'il voudrait revenir 2 ou 3 ans plus tard. En fait, il ne reviendra qu'en 1958. Mais c'est un voyage très, très différent, aussi bien pour la préparation que pour les photographies qui vont en sortir, et même vis-à-vis des publications qu'il y aura à ce moment-là. Donc, il demande à aller en Chine. Bon, évidemment, il est obligé de demander pour avoir un visa, pour être autorisé, etc. Et en fait, il est continuellement accompagné, enfin, plus qu'accompagné, très contraint par un guide interprète, puisque évidemment il lui faut un interprète, et on l'emmène là où on veut l'emmener, c'est-à-dire pour lui montrer les réformes entreprises par le régime, les usines, les constructions des grands barrages, les forages de puits de pétrole, les installations, enfin tout ce qui entre dans la révolution industrielle de la Chine, y compris la révolution agricole où on a transformé à un certain moment, et au moment où il s'y trouve, en été 58, on a transformé les agriculteurs en ouvriers de la métallurgie, puisqu'on avait fait une grande campagne pour installer des petits fourneaux de production de fer dans les campagnes. Là, non. Michel Frisot, quel est le rapport d'Henri Cartier-Bresson avec le communisme en 1958? Parce qu'on sait bien, ces années 50, par rapport à l'engagement communisme, conduisent à des évolutions majeures. Alors, bien sûr, ce n'est pas le communisme soviétique, c'est le maoïsme. C'est un peu différent, mais quel est son engagement? Il est toujours, comme en 48-49, il est toujours bienveillant à l'égard du régime, à l'égard du communisme. D'ailleurs, il retrouve en 58 des personnes qu'il avait rencontrées en 49 à Shanghai et qui faisaient déjà partie du système. Et son attitude est toujours plus ou moins en faveur d'eux. Bien que, évidemment, il constate que il y a beaucoup de contraintes et qu'on l'empêche d'aller là où il veut. Mais il essaye de photographier le plus possible dans la rue. C'est-à-dire que, bien sûr, il photographie les lieux qu'on lui indique, où on l'emmène. Mais il photographie aussi subrepticement dans la rue. Et là, on ne peut pas vraiment l'empêcher. Oui, et là, il fait un peu ce qu'il veut. Michel Frisot, vous êtes l'auteur de La Nouvelle Histoire de la Photographie, vous êtes l'auteur de L'Homme Photographique aux éditions Azan, en 2018, c'est tout récent. Henri Cartier-Bresson, c'est un moment dans l'histoire de la photographie et un moment essentiel. Mais dans l'histoire, c'est un petit peu la démarche que vous avez dans cette exposition dont vous êtes le co-commissaire, Chine 1948-49-1958, Henri Cartier-Bresson. Quelle image ce photographe donne de la Chine dans ces années-là? Il a une influence mondiale parce que ses photos sont reproduites partout. C'est une Chine qui est assez pacifiée. C'est une Chine qui est pacifiée. C'est la Chine, en fait, de la population, on pourrait même dire du peuple chinois. C'est ça qui l'intéresse. Mais bien sûr, en 58, c'est essentiellement le monde ouvrier et les activités de la population, mais des activités qui ne sont plus très libres, mais qui sont beaucoup plus contraintes ou qui sont dirigées vers les propositions qu'on fait. Par exemple, il y a des photos de gens qui sont dans une exposition d'agriculture. Donc, ils sont là pour s'informer, pour voir les nouveautés. Il y a une très belle photo où on voit des gens qui regardent goulûment dans une vitrine un vélo. Un vélo très moderne, bien sûr, qui vient d'être fabriqué. Donc voilà les sujets qu'il essaye de mener en étant autant que possible aussi près de la population qu'il le pourra et que l'on le laissera faire. Mais écoutez, c'est ce qu'on ressent quand on visite l'exposition Henri Cartier-Bresson Chine 1948-49-1958, où bien il y a le catalogue de toutes ces photographies. C'est à la fois la justesse du regard de l'artiste, du photographe, mais c'est aussi l'aspect documentaire. Merci beaucoup Michel Frisot de nous avoir parlé d'Henri Cartier-Bresson. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Anaïs Quien et son journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Ce matin dans le journal de l'Histoire, focus sur un colloque consacré aux alliances des minorités noires et juives aux États-Unis dans leur combat commun pour les droits civiques et les libertés civiles. Le musée d'art et d'histoire du judaïsme vient de poster les conférences du colloque de novembre 2019 intitulé « D'autres causes que la nôtre », consacré aux engagements de juifs contre l'apartheid, contre le fascisme ou pour l'indépendance algérienne. Parmi les nombreuses contributions d'historiennes et d'historiens, Pauline Peretz revient sur ses travaux de recherche pour une conférence sur le combat pour les droits civiques aux États-Unis. C'est Sarah Frioux-Salgas, modératrice, qui ouvre la séance en citant le concert officiel à Moscou de Paul Robeson, artiste et militant pour les droits civiques, entonnant le chant des partisans en yiddish en soutien aux juifs persécutés par le régime stalinien. Willkommen wird noch unser Reus gebenkte Show. Uns wird abbeugt und unser Trott mir seinen Tor. L'âge d'or de cet engagement partagé pour la reconnaissance des droits des minorités aux États-Unis connaît son âge d'or dans les années 50 et 60, lorsque les revendications non violentes s'expriment dans l'espace public et médiatique, avec l'image iconique du rabbin Abraham Joshua Herschel avançant aux côtés de Martin Luther King lors de la troisième marche de Selma en mars 1965. Mais cette entraide fonctionne à double sens. En 1966, Bayard Rustin, conseiller de Luther King, participe à la manifestation de soutien à l'immigration des juifs soviétiques. Aux États-Unis, de nouveau, la crise raciale s'est réveillée. et en Alabama, tout a recommencé avec la marche que 500 Noirs de Selma, à l'appel du pasteur King, avaient organisée sur Montgomery pour faire respecter leur droit de vote. Si l'on pense évidemment aux années 50, le rapprochement des Africains-Américains et des Juifs-États-Uniens remonte aux années 20 et se prolonge jusqu'à la fin des années 60. Une cinquantaine d'organisations communautaires afro-américaines et juives s'associent contre la ségrégation dans l'accès au logement, aux emplois, à l'université. Leur action prend la forme d'un lobbying au Congrès et s'exprime dans les tribunaux pour la levée des obstacles à l'immigration, la déségrégation des lieux publics et des loisirs. Si les inégalités ne touchent pas avec la même force juifs et noirs américains, un destin commun semble possible dans une lutte un temps confraternelle. Webb Du Bois le relevait après sa visite du ghetto de Varsovie en 1949. Ainsi, le ghetto de Varsovie m'a aidé à sortir d'un certain provincialisme vers une conception plus large des manières dont la lutte contre la ségrégation raciale, contre la discrimination religieuse et l'oppression des pauvres devait évoluer pour que la civilisation puisse se répandre et triompher dans le monde. Cette histoire d'entraide mutuelle entre juifs et noirs américains s'étend donc sur un demi-siècle et s'achève à la fin des années 60 avec la radicalisation du mouvement pour les droits civiques, avec le tournant identitaire noir qui l'accompagne, mais aussi du fait d'un repli de la communauté juive, des classes moyennes et ouvrières sur leur propre combat. La rupture de l'alliance entre Africains, Américains et Juifs, c'est aussi l'échec d'une gauche américaine progressiste, échec à démontrer l'efficacité sociale des principes universalistes, à la faire ressentir par ceux qui en avaient le besoin le plus urgent. Merci Anaïs, on retrouve les liens vers ce colloque d'autres causes que la nôtre sur la page du Journal de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscane-Viudès, Camille André et Aurélie Lachkar. Des émissions à réécouter sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast et puis sur le groupe Facebook France Culture, le cours de l'histoire. Demain, nous allons aux origines du sida. Oui, histoire de la médecine ou tout simplement histoire de la vie d'hommes, de femmes, des histoires de souffrance, mais des histoires d'espoir. Et la semaine prochaine, c'est l'Empire romain. Comment l'Empire romain a disparu? Team romain, l'Empire romain contre-attaque.